Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 74e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos messages et dédicaces que vous me laissez sur la page Facebook de l'émission. Tous vos petits commentaires, tout ça, ça fait plaisir. Je partage le plaisir de présenter cette émission autant que vous avez le plaisir de l'écouter. Et merci bien. Bienvenue aux nouveaux et bienvenue aussi aux anciens. On commencera tout de suite avec Hate Inside Your Head de Creators. C'est sur l'album Cause for Conflict, leur 7e album, sorti en juillet 1995. On retrouve Catholic Despot, Bomb Street et State Oppression, notamment un excellent album. On continuera avec une nouveauté, Outra Dimension, le nouveau Mescla, c'est sur l'album Metamorphosis, sorti le 20 novembre 2016. On retrouve Sangria Arena, L'Usurpateur et Lucierneaga, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Mescla, je filerai les liens, il y a un bandcamp, il y a tout un tas de choses. Allez-y, viendez, likez et surtout partagez. On poursuivra avec Living in the City de Black Uhuru, c'est sur l'album Mystical Truth, sorti en 1992. On retrouve Question, Don't You Worry et Payday qui a été repris après par Israël. Un excellent album qui vieillit bien et du bon reggae. Et on continuera avec un, allez, on va dire que c'est un classique maintenant, c'est Walk of Life en cassette de Dire Straits. C'est sur l'album Brother in Arms, sorti le 1er mai 1985. On retrouve Money for Nothing, So Far Away et le très touchant Brother in Arms. Il vieillit bien cet album, c'est même devenu culte pour moi. On continuera en live, enfin du moins on finira ce bloc en live avec I Wanna Be Sedated des Ramones. C'est sur l'album Road to Ruins, leur 4e album, sorti le 21 septembre 1978. On retrouve I Want Everything, I Don't Want You et Bad Brain. Un excellent album. We'll be right back. Thank you. Vous êtes toujours dans la 74e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de commencer avec un bon bloc là. 8 Inside Your Head de Creator, Outra Dimension, le nouveau Mescla, Living in the City de Black Uhuru, Walk of Life en cassette de Dire Straits et on a fini en live avec I Wanna Be Senated des Ramones. On continuera avec Burn in a Root de Le Nouveau Testament, c'est sur l'album Brotherhood of the Snake sorti le 28 octobre 2016. On retrouve The Pale King, Stronghold et Blackjack notamment. On poursuivra avec Special Girl de Meatloaf, c'est sur l'album Blind Before I Stop qui est sorti en septembre 86. On retrouve Execution Day, Burning Down et Rock'n'Roll Hero, un super album qui vieillit bien. Meatloaf. On poursuivra avec Supernote en cassette de Black Sabbath, c'est sur l'album Volume 4, leur quatrième album. Il a failli s'appeler Snowblind à cause de ses références à la cocaïne. D'ailleurs, il l'est toujours surnommé Snowblind, le volume 4, qui est sorti le 25 septembre 1972. On retrouve Tomorrow's Dream, Snowblind justement, et Changes. Et oui, ils ont donné leur dernier concert la semaine dernière. Plus de 40 ans d'histoire qui entre dans la légende. Et je vous rappelle, à propos de Black Sabbath, que le 18 mars, à Shadrach, il y aura le Metal Fest avec les groupes MAD, Ozzy Osbourne Tribute to justement Black Sabbath, Best of Metallica, un Tribute to Metallica. Je serai sur place pour interviewer les groupes et je prépare une émission spéciale pour le 18 mars. On poursuivra ensuite avec Mental de Raga Sonic, c'est sur l'album Raga Sonic 2, sorti en 1995. On retrouve Rude Boy, en quelques mots, et Faut pas me prendre pour un âne, entre autres. Ça fait du bien de réentendre des sons comme ça de nos jours. Et on finira ce bloc en live avec du son culte, Mother Man de UFO, qui est c'est sur l'album Force It, leur quatrième album sorti en juillet 1975. On retrouve Let It Roll, High Flyer et Too Much of Nothing, du son culte. going to have to control the song tonight, you see. Good night. Ils ont fait en Afrique. Je ne veux pas oublier tout le mal qu'a fait. Today, setting off the Walk on Water, called Self-Made Man. Vous êtes toujours dans la 74e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Born in a Rut, le nouveau testament, Special Girl de Meatloaf, Super Note en cassette de Black Sabbath, Mental de Ragasonic, on a fini en live avec Mother Mary de UFO. On poursuivra cette émission avec un du vieux son cassette, Les Aventures de Gérard Lambert de Renaud. C'est sur l'album Marsalon, son quatrième album sorti en février 1981. On retrouve dans Branche LM, Où c'est que j'ai mis mon flingue, Baston, Et pourquoi d'abord, un excellent album qui vieillit bien. Et en plus, il s'offre la victoire de la musique de l'artiste masculin de l'année. Et sacré vieux briscard, hein, Durnon. On poursuivra ensuite avec Eclipse Total, le nouveau Black Bart. C'est un nouvel extrait de l'album qui se prépare. Des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Black Bart. Ils ont aussi un Reverbnation, un petit like au passage. Viendez liker et surtout partagez. On continuera avec Mountain Song de Jane Addiction. C'est sur l'album Nothing Shocking, leur premier album sorti le 23 août 1988. On retrouve Up the Beach, At the Dad et Idiot Rule, un album qui ne voit pas le temps passer. On continuera avec une autre nouveauté, My Zombie Girl, le nouveau Two Sisters. C'est sur l'album Come On and Dance, leur premier EP sorti en 2015. Ouais, c'est un peu vieux, mais bon, ils sont pas bien diffusés, ces braves gens. On retrouve Don't Go, Down et Remember. Vivement, un album de 10-12 titres. Allez sur la page Facebook de Two Sisters. Ils ont aussi une page Bandcamp. Un petit like au passage. Et je donnerai les liens pour les joindre sur la page Facebook de l'émission. Et on finira ce bloc en live avec Zimbabwe de Bob Marley and the Wailers. C'est sur l'album Survival, sorti le 2 octobre 1979. On retrouve Top Rankin, Survival et Africa Unite. Et oui, il aurait eu 72 ans la semaine dernière. Ah, sacré Bob, un artiste culte. Avril 77 dans la banlieue qui fait la petite route est déserte, Gérard Lambert entre chez lui, dans le lointain les mobilettes poussent des cris. Ça y est, j'ai planté le décor, créé le climat de ma chanson, ça sent la peur, ça pue la mort, j'aime bien cette ambiance, pas vous, ah bon, voici l'histoire proprement dite, voici l'intrigue de ma chanson. Gérard Lambert roule très vite, le vent s'engouffre dans son blouson. Dans le lointain, les bourgeois dorment comme des cons. Lorsque soudain survient le drame, juste à la sortie d'un virage, il n'y a plus d'essence dans la bécane, Gérard Lambert est fou de rage. N'aurait pas dû Gérard Lambert aller ce soir-là à Rungis. T'aurais dû rester chez ta mère comme un bon. Il met sa mope sur la béquille, s'assied par terre et réfléchit. Dans cette banlieue de bidonville, y a pas une pompe ouverte la nuit. Dans le lointain, y a une sirène qui s'évanouit. Qu'est-ce que je vais faire, bordel de vieux? Je vais quand même pas rentrer à pied. Plus s'angoisse, moins ça va mieux. Quand soudain, lui vient une idée. Je vais siphonner un litre ou deux dans le réservoir de cette bagnole. Et puis après, j'y crève les pneus, comme ça gratuitement, par plaisir. Faut bien que je me défoule un petit peu, je suis énervé. Une fois son forfait accompli, Gérard Lambert va repartir. La mobilette ne veut rien savoir, c'est le bon Dieu qui l'a puni. J'aurais pas dû Gérard Lambert aller ce soir-là à Rungis. J'aurais dû rester chez ta mère comme un bon. Alors pendant une demi-heure, dans son moteur, il tripatouille. Il est crevé, il est en sueur, il a du cambouis jusqu'au coude. Dans le lointain, le jour se lève comme d'habitude. À ce moment-là, un mec arrive, un petit loupard aux cheveux blonds. Et qui lui dit, comme dans les livres, s'il te plaît, laissez-moi un mouton. Une femme à poil ou un calibre, un cran d'arrêt, une mobilette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre, mais dessine-moi quelque chose de chouette. Dans le lointain, il se passe plus rien, du moins il semble. Alors d'un coup de clé à molette, bien placé entre les deux yeux, Gérard Lambert éclate la tête du petit prince de Lille. Faut pas gonfler, Gérard Lambert, tu en tirais par sa mobilette. c'est la morale de ma chanson. Moi, je la trouve chouette. Pas vous ? Ah bon ? Se joue de nos craintes et de nos frayeurs. Yeah. trouble, yes. Cause that's the only way we can overcome our little trouble. And brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight, we gon' fight, we love to fight, we gon' fight. Zimbabwe, go de trade, go de in a Zimbabwe. Africans are liberate, Zimbabwe. Zimbabwe, I and I are liberate, Zimbabwe. Zimbabwe, to defy the rule could only tear us apart. In every man chase, children, there beats a heart. You see that? Revolutionaries, I don't want my people to be tricked by mercenaries. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight, we gon' fight, we love to fight, we gon' fight, we gonna fight, we gon' fight, fighting for our rights. Not to trash it. Vous êtes toujours à 74e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Les aventures de Gérard Lambert en cassette de Renault, Eclipse Total, le nouveau Black Bart, Mountain Song de Jane Addiction, My Zombie Girl, le nouveau Two Sisters et Zimbabwe en live de Bob Marley and the Wailers. On continuera avec une notre nouveauté, Love Sick, le nouveau D-Host. C'est sur l'album Somme de Charge, leur premier album sorti en septembre 2016. On retrouve Black Hills, Why Would I et Follow My Feet, un magnifique album. Allez sur la page Facebook de D-Host, ils ont aussi un bandcamp, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec It Ain't Easy de Cypress Hill, c'est sur l'album Stone Raiders, leur sixième album sorti le 4 décembre 2001. On retrouve Trouble, Amplified et Psychedelic Vision. Un album toujours aussi sympa à la réécoute. On continuera avec un autre son cassette. C'est pas ce qu'il nous faut, des shérifs. C'est sur l'album Soleil de Plomb, sorti en 1993. On retrouve à la seule des missiles, pas besoin d'un dessin, bon à rien, état végétal. Enfin bref, que des tubes, un magnifique album. Et puisqu'on sera dans le sud, on continuera avec une autre nouveauté, De Chez Moi, de Demi-Portion. C'est sur l'album, c'est aussi le titre de l'album, De Chez Moi, sorti le 10 janvier 2017. On retrouve Demi Pablo, Besoin d'air, Funky Freestyle. Il a aussi repris, pour Funky Freestyle, il a repris l'instrumental de Mystère et Suspense de Funky Family. Il est indépendant et il vend plus de disques que Matt Cotorep et Julien Doré. Bonne route à toi, Demi P. Et on finira ce bloc en live avec les Cactus de Jacques Dutronc. C'est du Casino 93, je l'adore ce live, qui est sorti en 1994, puisque c'était au mois de décembre. On retrouve L'Opportuniste, Les Roses Fanées, et moi, entre beaucoup, beaucoup d'autres, à un excellent moment ce concert. We'll be right back. being true, but I blame me too, cause as I chronicle my life, I realize I'm responsible for obstacles in front of me, my own self to blame, but I worked hard to receive the wealth and fame. It's a helpless game, but if you're willing to play, there's sharks in the water who are willing to pay the price of your soul, but if you give it away, you silly motherfuckers are all committed to stay. It's a cold world, but you still want a part of it, so then you better fuck around and learn the art of it. Don't walk through life with your blinders on, we'll be right back. passionnés. Vive le rap français. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Écoute. Comme d'hab. Écoute. Tout s'accélère, tout va trop vite, j'ai l'impression de tout perdre. Tu sais combien de familles se butent afin de quitter leur bled. Trop de maladies, on le sait tous, vu qu'on trouve pas de remède. J'ai préféré parler de misère plutôt qu'un clip au club même. Maman m'a dit de ne pas me taire, mais non, j'ai fait le contraire. Les gens préfèrent dire nique ta mère que balancer un je t'aime. Ma musique porte une attelle, sur mes écrits une entorse. À force de courir, on se calme avant de se casser un os. Et ouais, on sait que la vie est belle, aussi jolie qu'une white widow. Tant que l'espoir est là, tant que le cœur crie freedom, freedom. Mais l'avenir près d'un piège jaloux. Avance, ne les écoute pas, de toute manière t'auras des jaloux. La musique est un symbole, mais t'offriras pas l'Oscar. J'ai grandi en cité, cousin, ça fait pas de moi un gangstar. À part ça, t'attends que ça, ce son est un accident. Assurer son zac, ça comme travailler dans le ciment. En bas route, c'est dur, un peu comme une famille en Bosnie. Nos malheurs et nos pleurs, on les trouve dans les sons de Hesni. La musique est dans les gènes. Ceux qui bloquent en bas de l'échelle. Il est temps de prendre du recul et de comprendre tout ce qui se passe. On vient de loin et tu sais qu'on ne pourra pas changer les races. Laisse place à l'espèce, aux artisans de l'espace. On apprend vite sur le terrain, pas enfermé dans une classe. Comme d'hab, on continue comme d'hab. On continue comme d'hab. On continue comme d'hab. Comme d'hab, on continue comme d'hab. On continue comme d'hab. On continue comme d'hab. Yo, on continue comme d'hab. Quatrième album de chez moi. Vive le hip-hop. Vas-y Rolex, balance les trucs. Demi-portion. Demi-portion. On continue comme d'hab, on continue comme d'hab. Ouais. Aïe aïe aïe, oui, vous êtes toujours dans la 74e Vampire Freak, c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un bon bloc là, Love Sick, le nouveau Diost, It Ain't Easy de Cypress Hill. C'est pas ce qu'il nous faut en cassette des shérifs de chez moi, le nouveau demi-portion, et on a fini en live avec les cactus de Jacques Dutronc. On poursuivra cette émission avec Devil Space de Dimmu Borgir, c'est sur l'album Puritanical Euphoric Misanthropial, son cinquième album sorti le 12 mars 2001. On retrouve Fear and Wonder, Kings of the Carnival Creation et Symposium, une tuerie. On continuera avec 103 Pogo avec le titre 103 Pogo, c'est sur l'album 103 Pogo sorti en 2007. On retrouve Question d'identité, La fleur au canon et Amour charnel. Il me manque un peu les 103 Pogo. Ben c'est pas grave. On continuera avec Western de Ludwig von 88. C'est sur l'album New Orleans sorti en 1991. On retrouve Salman's Not Dead, 4560 RP et Cassage de Burne. Ils se sont reformés et sont en tournée partout en France et ils cartonnent partout. On poursuivra avec une autre nouveauté, Common de le nouveau The Inside. C'est sur l'album The Other Side, leur deuxième album sorti en janvier 2017. On retrouve The Sorrow, Wait Out et Still Alive. Merci à ceux qui ont participé pour le crowdfunding, puisque j'avais mis le lien sur la page de Facebook. Allez sur la page Facebook de Dizzy Insight, vous pourrez toujours le précommander. Je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. Other Side, c'est un excellent album. Il mérite d'être connu. Ils font un travail formidable, The Insight. On finira ce bloc en live avec El Gringo de Los Tres Puntos. C'est sur l'album Live, sorti en 2007. On retrouve Palarmé, Guapa, Terre de Liberté et les morceaux du social. Toujours sympa un petit ska en fin d'émission, non ? Thousand different paths, so many sterile ends. I chose the devil's klaxon qui viennent juste de fermer. Sur le trottoir, deux abrutis dans un état critique commencent à me raconter leur vie, des papes éthyliques. Mais moi je connais la chanson, ouais je la chante tous les soirs. Et maintenant voir ressorti klaxon, je commence à plus les voir. Racaille à peine plus vert, complètement rébourré. Commence à m'embrouiller sévère, c'est pas mon crâne rasé. Je veux pas finir ma nuit à tout leur expliquer. Je suis pas facho, pas plus nazi, et je préfère me rentrer. Mais moi je connais la chanson, ouais je la chante tous les soirs. Les blancs fois ressortis trop que son, je commence à plus les voir. Je sens qu'il va voler. Putain de bordel, ce que j'ai eu mal, ce que j'ai pu dérouiller. Parce qu'on m'a dit à l'hôpital, cet enfuré était très entouré. Oh, mais moi je connais la chanson, je la chante tous les soirs. Les plans froids ressortis trop que son, je commence à plus les voir, plus les voir. Les plus en trop que son, c'est les pièges à con. Pour les crânes rasés, c'est l'embrouille assurée. Mais les pistes en trop que son, c'est les pièges à con. Pour les crânes rasés, c'est l'embrouille assurée. Et hey, les pistes en trop que son, c'est les pièges à con. Pour les crânes rasés, c'est l'embrouille assurée. Et hey, les pistes en trop que son, c'est les pièges à con. Pour les crânes rasés, c'est l'embrouille assurée. Mais moi je connais la chanson, ouais je la chante tous les soirs. Les blancs foires ressortis trop que son, je commence à plus les voir. Makes no sense to the world. I'm gonna put a bulletproof jacket sale. de soutien depuis ces 10 ans. C'est grâce à vous qu'on tient. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon ça, Los Tres Puntos. On vient de se faire un bon bloc là. Devil Space de Vimy Borgir, Sans Croix Pogo de Sans Croix Pogo, Western de Ludwig von 88, Common, le nouveau D-Insight et El Gringo en live de Los Tres Puntos. Cette 74e émission touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Flix, l'émission radio. Souvent, le matin, quand je me lève, je suis toujours avec les réseaux sociaux, la Messenger et compagnie. Je suis sans arrêt en train d'embêter du monde. Et donc, du coup, vu que je suis quelqu'un qui aime l'autodérision, je vais passer taxiphonant d'un pack de crocs de Hubert Félix Tiefen. C'est sur l'album Dernière Balise avant Mutation, son quatrième album sorti en 1981. On retrouve 113e cigarette sans dormir, Narcisse 81, Exil sur une planète fantôme et plein d'autres. Il vit super bien cet album. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur argir.org. Bienvenue au nouveau et faites circuler l'info. Et n'oubliez pas, le 18 mars à 21h, y a le concert Metal Fest à Shadrach. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, j'en reparlerai. C'est encore dans un mois. Voilà. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Salut à toutes et tous, la tribu! SOS, amitié. Allô, SOS, amitié. Excusez-moi de vous déranger, mais si je peux encore vous causer, c'est que mon pétard est enrayé. amitié. Allô, SOS, amitié. Je crois bien que ça vient du chargeur. Est-ce que vous pouvez m'envoyer assez rapidement le dépanneur? Allô, SOS, amitié. La vie c'est pas du babylium, mais rien que le fait de respirer, ça me fout des crampes dans le sternum. Des cortèges officiels ont goudronné ma tendresse. La famille du raton veut m'obliger à finir mon tapioca, alors que ça fait bientôt 2000 ans que j'ai plus faim. Allô, SOS, amitié. Allô, dans un train fantôme bloqué sur une voie de garage. Est-ce que ma carte vermeille me donne droit au sleeping? Répondeur automatique.